Asubuhi ya leo inasalimia kanisa yote mujina la Yesu Kristo. Ce matin, je salue l'assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunamupitia Mungu wetu asante. Disons merci à notre Dieu. Kwa kutufanishia konema. Nous avons accordé encore sa grâce. Kwa kutubalula katikati ya bantu bashima. Pour être compté parmi les vivants. Jina la Bwana lipewe sifa. Que le nom du Seigneur soit loué. Kulala na kulamuka inazoezi. Dormir et se réveiller. Kama tunalala tunalamuka na bushima. Si nous dormons et nous réveillons. Neema ya Mungu. C'est la grâce de na Dieu. Na Petro eko nasema. Et Pierre le dit. Uvumilivu wa Mungu. La patience de Dieu. Ni okovu yetu. C'est notre salut. Kama na leo unapatikana hako. Si aujourd'hui tu es encore. Aina sema huko mtu mzuri kushindia bale bana kufua. Tu es meilleur parce que section des. Ni neema tu Mungu anakufanishia. Et Dieu vous a accordé. Aina paka wewe ni chez bote. Ce n'est pas seulement à vous. C'est pourquoi Biblia iko nasema. Quand elle dit que kyote kenyakuwa na pumzi kisifu Bwana. C'est lui qui respire glorifie le Seigneur. Tunapasha kumsifu Bwana Yesu Kristo. Nous devons louer notre Seigneur Jésus. Nilikuwa katikati yenu. J'étais parmi vous. Depuis que miliweza kufika mardi. C'est depuis le mardi que je suis au milieu de vous. En tout cas, Mungu aliongoza safari yangu mimi nafika. Dieu a conduit mes pas. Leo na wajani siku yangu ya mwisho. Et aujourd'hui, nous allons arrêter. Ninapikia asante sana ndugu yangu mpendwa Joseph. Je tiens à remercier sincèrement mon frère Joseph. Wakuitika ke nipate kushimama kumbele ya imimbali. D'avoir accepté que je puisse me tenir du haut de cette chair. Ninampikia asante sana. Je lui remercie. Mungu amubariki. Que Dieu le bénisse. Abariki na bale bote beko natumika mu kanisa. Et que bénisse ses collaborateurs. Abariki na pasteur wetu Ngoinda Ipie. Notre pasteur Ngoinda Ipie. Na amibariki mwe bote. Et que bénisse aussi. Tena ninapikia asante banduku. Je tiens aussi à remercier le frère. Kuko banduku barini vuika barini nduku moya rinipacha mavazi. Il y a un frère qui m'a vêti. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit à cause. Lorsqu'on vous donne quelque chose, il faut dire merci. Kile mukono ya kume unafanya ya kushota haiwezi kuyua. La main gauche fait, la main droite fait. Shita ya ule nduku. Je ne peux pas citer ses frères. Mungu wangu wa kumbingu amubariki sana. Que le Dieu du ciel vous bénisse richement. Na kuko nduku na ye mungine pia. Et il y a aussi un autre frère. Aliweza kunipatia pesa. Il m'a donné l'argent. Na ye pia Mungu amubariki sana. Que Dieu lui bénisse aussi. Ninapikia asante ndugu yetu. Je tiens à remercier encore notre frère Gimbayo kwa kuweza kunirecevoir munyumba yabo. Il m'a reçu dans sa maison. Nilikuya en tout cas logé comme malaika munyumba yabo. Comme ménage dans leur maison j'étais logé. Mungu wangu akumbingi. Que mon Dieu céleste. Kule niko natumikia. Celui que je sers. Abariki nduku. Qui puisse bénir le frère. Abariki na nyumba yake. Qui bénit aussi toute sa maison. Bwana Mungu amibariki. Le Seigneur bénisse. Eti munechika nikalamukie kanisa kwa mpande. Acceptez-vous que j'aille saluer l'assemblée okay. De Pande. Bwana Mungu amibariki sana. Que le Seigneur bénisse. Turukwa na sujet ile turukwa naona. Nous étions en train de voir notre sujet. Ile sujet tulitembea mamude ya mashiku. Et nous avons marché avec ça pendant quelques jours. Mashiku ine. Pendant quatre jours. Ile inatuonesha. Qui nous dit que je bâtirai sur cette pierre je bâtirai mon église. Ya kwamba yule aimwamba tajenga kanisa langu. Ni Mungu eko na yenga kanisa. C'est Dieu lui-même qui bâtit. Ataye kanisa ya kamov. Même cette assemblée ni kanisa ya Mungu. C'est l'église de Dieu. Mais Mungu arisha kuweka mna bantu na batumishi yake. Ana associé ses serviteurs. Bale mwenye Mungu ana confié. Les gens à qui Dieu a confié son travail, nous ne pouvons pas oublier. Mimi mionyesha sema Mungu eko na tumika na bantu. Dieu travaille avec les gens. Tulisoma na mweye. Nous avions lu avec vous. Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 6 verset 1. On connaît toi pire sur la cité. La Bible dit que nous travaillons avec Dieu. Chez toi tumika pa mwana Mungu. Et nous vous exhortons pour que vous ne pouvez pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Tu ne me honnes assez ma mouche pokene ma Mungu. Okay. Neema ya Mungu kama anatuhubiri tunaibeba tunaipokea na tunaitumikia ishikuye ya bure. Ça ne soit pas en vain. C'est pourquoi même kanisa yenyewe inapasha kuyua. Elle même doit savoir. Kichwa ya kanisa haina mtu hapana. Ce n'est pas un homme, non. Kile Mungu alifanya. Na mimi nisema la fois passée. Et fois passée, je l'avais dit encore. Kanisa l'église ni ya Mungu. Appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui a placé ses serviteurs. Mara kichwa mwenyewe. C'est la tête, c'est le Seigneur Jésus. Na ule kiongozi wanaweka pale. Le berger ou le conducteur qu'on a placé là-bas. C'est lui qui conduit l'église. C'est lui qui doit être en charge. Selon la conduite du Saint-Esprit. Amen. Bile biote, et tout ça, leta, tout ce qu'il donne, ni bien kutoka kwa Mungu. Ça vient de Dieu. Amen. Ah. Frère Branham, na frère Frank. Frère Branham, est-ce que Frère Branham est bon à sema? Faites tout ce qu'il vous dira. Il dit, vous faites la prédication. Dit, si lorsqu'un serviteur de Dieu se tient de la chair et commence à parler, ne voyez pas l'homme en question, voyez Dieu à travers cet homme. Na frère Frank na yeko na sema. Et frère Frank ajoute en disant, sema, il dit, dans la prédication, restez dans les limites de la parole. Et dans cette prédication, il dit, Dieu utilise le l'œuvre des hommes. Lorsqu'un homme tient, il commence à parler de la part de Dieu, tout ce qu'il dira, ce n'est pas seulement des choses. Dis aux gens que nous sommes sauvés en vain. Ni mafundisho ya shetani. Ça, ce sont les enseignements du diable. Neema ya Mungu ni mwalimu mkubwa. La grâce de Dieu, tufundisha na muna kujiongoza. C'est un grand enseignant qui nous enseigne comment marcher. Alléluia. Alors, tu sais que c'est ma canisse, ni bantu menye kutoka. Nous avons dit que l'église, ce sont les hommes appelés à sortir, ils sont en dehors d'eux. Ils ont quitté dans les coutumes, dans les traditions, dans les mauvais accoutrements. Toutes sortes de vies qui sont contraires à la parole de Dieu. La chrétienté, ce n'est pas mettre une croix. Même les devins, ils ont aussi des croix. Bu Kristo ni maisha ya Yesu Kristo. Konekana ndani yetu. Qui se manifeste en nous. Na ile nina penda ni misome yetu kanoko. J'aimerais vous lire encore un peu. Mais niko na sujet ingine mitaudi. J'ai un autre sujet de prédication que je vais prêcher. Tani vumili yako. Vous allez me passer. Je vais prêcher même pendant une heure. Kuna kwa bia kusema bia mingi. Il y a beaucoup de choses à dire. Niko na misomia mulamze lamnezi spirituel. Usabu kwa kiro. Malaria kwa isabu ya kiro. L'amnésie spirituelle. Mu page 18. Katasi ya kia mnani. Tutasoma mu paragraphe 22e alinéa. Dans son paragraphe 20 qui parle. C'est ainsi que dans les derniers jours. Jomuina na mashiko ya mwisho. Le peuple de Dieu doit oublier ce que qu'est-ce qu'un témoignage. Kaifa Mungu tanza kusabu shukrani ya Kikristo ni nini? C'est de nouveau cette amnésie qui est venue sur les gens. Ils ne peuvent pas prouver leur identité. Ils ont tout oublié. Ils ont oublié sa sainteté. Les gens, ils ont déjà oublié que nous sommes des saints. Et ils ont oublié la loi. Na banasabo atasheria. Les femmes se comportent comme les autres femmes. Banamuki bananza kuishi sa banamuki bote amdunia. Le peuple de Dieu batu ya Mungu et son église na kanisa yake ont toujours été peuple séparé. Banekanaka paka batu benye kuachana. Un peuple appelé hors d'eux. Taifa yakuita kutoka. Un peuple particulier. Taifa ya upeke. Une nation sainte. Inchi takatifu. Un sacerdoce royal. Kohani kia kifalme. Offrant des sacrifices spirituels de Dieu. Na mtoa Mungu masadaka. Les fruits de leur de l'œuvre donna gloire à son nom. Dieu appela son église et la sépara du monde dans ce but-là. Dans ce titre-là, leur donna une loi. Elle devait être sainte. Et dit, je suis saint. Vous devez aussi être saint. Sans la sainteté, ni ne peut voir le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Il appela son peuple pour qu'il soit ce genre de peuple. Mais ils avaient oublié. Ils avaient oublié ces lois. Ils avaient oublié leur moralité. Les femmes là dans la rue. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu vous a appelé ici. Être des saints ou des saintes. Il a dit, sans la sanctification, personne ne verra plus le Seigneur. Dans l'église, il pouvait rester. Mais cette église, c'est où nous nous abritons seulement pour éviter des tempêtes. Mais l'église de Dieu, ce n'est pas cet temple. Le temple de Dieu, c'est toi et moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La tête de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 17, la Bible dit cela. Dans Éphésiens, chapitre 1, la Bible dit cela. Mais que nous, les choses que nous devons faire, nous devons, en tout cas, obéir à toute la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui a bâti son église, c'est le Seigneur Jésus. Et l'église a son message. Et c'est le message du temps. Amen. Amen. Comment est-ce que nous pouvons aller au ciel? Nous devons être le membre dans le corps de notre Seigneur Jésus. Le baptême par l'eau, c'est là que nous introduisons seulement dans la communion fraternelle. Pour dire que Dieu est devenu notre membre dans cette assemblée. Mais pour être membre dans le corps de Jésus-Christ, vous devez avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est alors que tu es devenu candidat pour le ciel. Amen. Amen. Je vais chanter un cantique dans Mimbo Mipia. Mwenya wa mu luendo luetu muka ndawa leza witu lombo labi apendishi Dajaleza Mwinyamuya Mwinyamuya Waleza Udiko Mashindae Toa Findi Kimu Niyao Mumingi Yetu yonso tuito pejato mwinya mwia waleza udiko potu danwa nadia malwa biale geja fini Mwinya wakwe toto keja muka ndawaleza mwinya muya waleza udiko mwinya muya waleza Ujiko. Alléluia. Tunaimba sema manjia yetu ni paka yangiza. Nous chantons que nos voix yenye kue ya mwangaza qui éclairé. Njia moya ya mushima ni Yesu Kristo. De la vie, c'est notre Seigneur Jésus Christ. Tutashima mabuima. Nous nous levons juu ya heshima ya neno ya Mungu. Honorer la parole de Dieu. Et je vous demande que nous puissions lire nous tous notre écriture. Il y a Zaburi 119, Psaume 119, verset 59. Mais j'aimerais beaucoup plus lire dans son verset 59. Ma parole éternelle. Je l'ai dit, c'est garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Ayez pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Tout inclinons nos têtes. Mungu Baba wetu wa kumbingu na Baba wa Bwana Mkuu Yesu Kristo. Le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Ce matin, te disons merci de nous avoir ramenés dans ta présence. David avait l'habitude de dire Je suis dans la joie quand on me dit dans la maison de l'Éternel. C'est vrai, c'est la maison de correction. Je me tiens devant ton peuple saint. Je te prie seulement, mets tes paroles de sagesse et des paroles de grâce dans la bouche de ton serviteur. Utilise-moi puissamment comme une vase entre tes mains. Souviens-toi de chacun de nous. Je sais que nous avons besoin de toi. Nous avons des requêtes. Et les besoins que nous avons, c'est toi qui peux nous faire merci des enfants. Merci pour la lecture de ta parole. Nous avons lu, puisque nous répétons comme un somme, parce que nous sommes passés au bas de l'écho, wa Biblia, mais le propriétaire de la parole, c'est le Saint-Esprit. Je voulais tout napenda, apate kushuka chini ya kibanda, na apate kufafanua maneno haya. Ulete usikilivu mwema kwa kila ndugu na kila dada. À chacun de nous, wanze nasi Bwana, avec nous, Père, na umalize nasi, na utunze bagonjwa bote katikati yetu. Magonjwa monene tuko nayo, ni manafsi yetu rishia lukula. Hii ataba docteur ba dunia abata iweza muweza yote ni wewe Yesu Kristo. Tunajiachilia kwako hadi mwanzo hadi mwisho mu jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Mungu amibariki sana. Que le Seigneur bénisse richement. Na tunamitakia nini wote. Et nous souhaitons un entendement meilleur. Na wale wote wanaweza kutufuata kwa njia ya mtandao. L'internet. Tunamitakia usikilivu. Nous souhaitons un entendement meilleur. Na wao wote. Et tous ceux kwa njia ya mtandao. À travers l'internet. Na mkia mungina la Yesu Kristo. Saluons aussi au nom de Jésus Christ. Ni David, là, wakati David, tunasoma hapa, eko nasema, miye semu yangu, ma part, ni kuchunga tu maneno yako. C'est de garder tes paroles. Malgré bintu yote biko wako, malgré y a tout ce qui existe, tia mafa, mais ce qui est important, niko na lombe ni David, que moi j'ai ni chunge tu paka maneno yako. C'est de garder uniquement tes paroles. Amen. Amen. Tunasoma kule chini mu verset 59 ndio anasema ninafikiri katika ndia zangu. Je réfléchis à mes voies. Na mimi nageuzia mikulu yangu. Et je dirige mes pas vers tes préceptes. Juu ya nini? Pourquoi? Je pende kuvunja maneno yako. Parce que je ne vais pas briser ta oui, parole. Oui, safari mon frère ma sœur. Dans la marche où nous sommes mon frère et ma sœur. Manjia yote. Toute de voix. Inaweza kuonekana mzuri kumbele yako. Correct devant tes yeux. Alors, pourtant, manjia yote ni manjia ya lufu. Ça conduit vers la mort. Amen. Amen. Je vois la Bible qu'on a sait. Et c'est ce que la Bible dit. C'est dans Proverbe chapitre 14. Mesal kuminai. Verset 27. Où ça que ma kumbina. Bible na sema telle voix paraît droit à un homme. Dia fulano kaya unyoka mbele. Mais soni fait la voix de la mort. Mais lakini musho yake ni njia ya mauti. Ni manjia ya lufu. Ce sont le voix à la mort. Ata ukuye nani. Qui que tu sois. Ukuye mu Kristo wa njina. Kama unaona tembea mu manjia mubaya. Tu marches dans de mauvaises voies. Mwisho ya njia yote mubaya. Il y a toujours la mort. Ukuye wa shipo kuamini. Que tu sois ata ukuye na titre mukaji. Vous avez des titres ata mu gouvernement. Même dans le gouvernement. Uko na titre, uko na biote. Vous avez presque. Mumanjia ya kuachana na njia ya Mungu. Dans des voies contraires à Dieu. Ce sont des voies qui amènent à la mort. Amen. C'est pourquoi nous devons réfléchir à nos voies. Parce que fiki no manjia yetu. Manjia yingine iko mubaya. Voies ne sont pas correctes. Manjia ingine iko mubaya. Ça conduit à la mort. Apana kuya na tumaini. N'espérez pas. Tu peux venir dans cette assemblée. Juu ya zoezi tu. Par habitude seulement. Sasa ndio c'est la vérité. Et tu amènes ukweli. Eh niko nenda mutabernacle. Et parce que moi je fréquente les tabernacles. Mambo ina mutabernacle. Le problème ce n'est pas de venir au tabernacle. Le problème c'est que ton âme soit guérie. Mambo ni weye maisha yako. Le problème c'est que ta vie ikuye en contact avec la parole. Entrer en contact avec la la parole. Le tabernacle ne sauve pas. Iki bandaori ya kiokoaki. L'église ne sauve pas. Kanisa ayokoaki. Le pasteur ne sauve pas. Pasteur atakoko. Le prédicateur ne sauve pas. Mubiri ayokoaki. Le sauveur de toute l'humanité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ibuana Yesu Kristu. C'est quand nous disons c'est la vérité. Ni ukweli. Oui, kanisa monezi kwa na ba mère. Dans cette église, il peut y avoir même les bandits à main armée. Il chante. Il peut avoir même l'onction. Il va danser même en esprit. Le problème, ce n'est pas danser en esprit. Il est question d'avoir la vie. Tes voix. Est-ce que ça s'emboîte avec la parole de Dieu? Amen. Amen. Il y a les autres qui resteront avec cette église. Mais les élus, est-ce qu'ils sont prêts? Ils iront au ciel. Mambo yetu, notre problème, ya ce n'est pas question de venir se maïs. Nous embellissons seulement l'église, c'est bien. C'est l'endroit dans lequel nous adorons. Même si nous embellissons cette église, la beauté de cette église, ce ne sont pas de murs ou des cloches, des instruments que nous avons dans l'église, des cantiques que nous chantons, mais la beauté de l'église, c'est la nature fidèle qui fréquente cette église. Noir ou pas, ça c'est la parole de Dieu. Et ce que Fabanam dit, mon Dieu caché révélé dans la Sainte Église, paragraphe 14, vous allez trouver ce que j'ai dit. C'est ça la beauté de l'église. Les gens qui craignent Dieu, les gens qui respectent la parole de Dieu, les gens qui marchent de Dieu, qui obéit la parole, puisque l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mambo ina kuleta tchekumi. Mambo ni kuya mukristo wa byakwe. Ce n'est pas l'argent qui nous amènera au ciel, même les offrandes, même les dîmes. Amen. C'est le Saint-Esprit en nous. Le voix de l'homme. Elles écoutez, sont vraiment mauvaises. Puisqu'il y avait des gens. Nombreux disent que nous croyons au message. Nous ne passerons pas au jugement. Faux et archifaux. Avant d'aller au nos de l'agneau, vous aussi vous passerez par le jugement. Parce que nous ne pouvons pas manger la batouacha. Ils nous croient, ils nous croient. Les gens qui mangeront, on lance la non, ce sont les gens qui sont prêts. C'est la parole. Inineno. Écoutez ce que dit la Bible. C'est dans Jérémie. Chapitre 7, verset 3. Jérémie Saba, Moussagatatu. Que la parole de Dieu nous aide. Que nous puissions quitter dans nos voies. Verset 3. Sagatatu. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ça, c'est la parole de Dieu. Il est il dit allez dire aux enfants d'Israël de réformer et je vous laisserai vivre dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des espérances trompées en disant c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est ce que les gens disent. Nous sommes les croyants du message du temps de la fin. Dieu nous a déjà fait grâce. Nous sommes un peuple béni. Celui qui dit ça, c'est un adultère. Les adultères n'entreront pas au ciel. Même au tabernacle, mais maintenant que le peut y avoir les adultères, mais au ciel il n'interrompt pas. C'est ici les tabernacles. C'est ici les messages de l'air. C'est ici les messages de l'air. Les messages de l'air. Est-ce que le message de l'air est-il au jumbe? Est-ce c'est ça ta vie? Ce que je vous dis, c'est la parole. Amen. Amen. Et c'est ce que les gens marchent avec. Avec des interprétations. Tout. Nous croyons au message. Frère, nous sommes sauvés. Quelqu'un qui prêche que nous sommes sauvés, mais il dit Branham ni Mungu. Branham Dieu. Branham Mungu. Tu as des démons. Tu as des possessions. Tu adores un homme. L'idolâtre n'interrompt pas au ciel. Pour tout ce qui m'est suivi à travers internet, notre Dieu, c'est un Dieu très jaloux et il n'acceptera jamais de partager sa gloire avec lui. Il laisse les sauver. Branham, c'est un homme sauvé par la grâce de Dieu. Même si Branham n'était pas là, Jésus-Christ, lui, il était là. Branham, c'est l'homme de Dieu. Branham, nous mutumishi wa Mungu. Il a tout à savoir. Ça, nous n'oublierons jamais. Mais c'est un homme que Dieu a suscité dans cette génération. Et c'est lui le dernier messager. Oh frère, nous avons reçu le message. Tout n'est pas pour qu'il y ait que Dieu soit loué. Mungu a suffi. Frère, ne faites rien. Dieu a fait tout. Mungu a chaque fois chaque jour. Je suis en colère quoi ne ma Mungu. La grâce de Dieu. Ne ma Mungu. Si vous avez reçu la grâce de Dieu, vous devez avoir la crainte de Dieu. Il avait trouvé grâce devant Dieu. Il a été saisi par la crainte de Dieu. Un enfant de Dieu, un croyant, il doit avoir la crainte de Dieu. Même s'il est envoyé, même s'il est en Europe, là où son église n'est pas là, il restera toujours un chrétien. C'est la vérité. Tu es chrétien quand tu vois les frères. Et parmi nous, ils sont là. Réformez vos voix. Ne dites pas que moi je chante correctement. Dieu n'est pas dans une belle voix. Même si tu chantes, si tu dégames. La kini ou qu'on a dit, qui est en train de dégamer comme ça. Il y a des autres qui chantent, on dirait les anges. Mais quand vous regardez leur vie, ils sont des démons. Ils m'achètent et tout. Il y a des femmes qui vous chantent. Habillé en mini-jupe de cuistes à découvert. La femme doit s'habiller décemment avec Dieu. En tout cas, nous devons marcher. Tu n'as pas su t'aimer à ville. Marche correctement parce que tes voix ça va t'amener à la mort. Et maintenant tu t'habilles en taïbas, pantalon rouchouka. C'est comme si tu as déjà chié à l'intérieur et tu commences même à trottiner là. Ah, tu n'es qu'un tas de une portion de terre. Et tu te crois être important. Si un homme n'a pas Dieu, c'est un homme animal. Si tu avais le couen. Dieu a beaucoup de considérations. C'est l'homme qui nous craint. Avançons avec la Bible. C'est ici le temple de l'Éternel. Il n'y a pas Dieu le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, vous réformez, vous arrangez vos voies. Si vous pratiquez la justice envers les uns, envers les autres. Si vous n'opprimez pas les trajets, le frère et la veuve, même un visiteur qui est arrivé dans la cité, vous les enfants de Dieu, vous devez quand même l'honorer. C'est ce que dit la parole. Dieu lui a sème. Si vous ne. Bon. L'orphelin et la veuve. Si vous ne répandez pas en ces lieux les sangs innocents. Si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Dans les pays que j'ai donné à vos pères, l'éternité en l'éternité. Mais voici. Vous vous livrez à des espérances trompées. Nous avons le message. Nous avons les exposés de Franck. Qui ne servent à rien. Il est à essayer tout quoi? Dérober. tuer, ua, commettre adultère, tenda usharati, j'irai forcément bongo, offrir de l'encens à Baal. Utoa ma, manukato kwa Baal. Bantu, tu es en train de mentir aux gens. Tu peux tromper les hommes. Une esculanda bantu bote. Mais tu ne peux pas tromper. Mais Mungu awezi kumlanda. Tamulanda pasteur. Tu peux mentir au pasteur. Utalanda bibi yako. Tu peux mentir ta femme. Utalanda mwana yako. Tu peux tromper ton mari. Mbingu uko mtu moya. Lakini au c'est ciel il y a un nom. C'est pourquoi Mungu asikupendake kale pa mulongo pa moya. Il n'a pas voulu habiter sur la terre avec nous. Il a voulu habiter dans le lieu céleste. Pour que macho yake yanze kutuona. Soit fixé sur nous. Les yeux de l'Éternel. Macho amilele unetuangaria. Il nous voit. Et on est tourne. Il nous connaît bien. On est toujours à mesure. Pengine wewe mwenyewe unaji kulisabu. Et toi-même tu peux t'oublier. Mais Mungu anakujua. Mais Dieu te connaît mieux. Autamwechapper. Tu ne peux jamais échapper à Dieu. Nuria mumanjia. Retourne dans les voies de Dieu. Sinon, kama ina vile. Utaweza kufia mutabernacle. Tu vas mourir au tabernacle. Mutabernacle. Au tabernacle. Non, on ne veut pas mourir au tabernacle. Moi, je mourrai au tabernacle. La Bible dit qu'elle est dès à présent. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Ce n'est pas dans le tabernacle. Si vous mourrez dans le tabernacle, alors vous êtes perdus. Alléluia. La vie est dans le Seigneur Jésus-Christ. Bujima ni ndani ya Yesu Kristo. C'est pourquoi mutoke mutabernacle. Mwende kwa Yesu. Allez-y à Jésus-Christ. Kusema muambatane na neno yake. Accrochez-vous à sa parole. Tutasema na sisi tutoke tena mutabernacle. Mambo ya kikanisa. Oui, le problème de l'église. Mambo ya kijini rishia wa. Le problème de la religion a tué beaucoup de choses. Est-ce que tu peux pas moi? On est ensemble. Les gens qui ont tué Jésus, ce n'était pas des païens. C'était le religieux qui chantait correctement dans l'église. Il connaît Baubiri. Qui prêchait la Bible. Il n'est pas question. Le problème, ce n'est pas lire la Bible. Le problème, ce n'est pas prêcher. Même le ciel. Le ciel n'appartient pas au prédicateur. Amen. Le ciel appartient aux enfants de Dieu. Né de nouveau. C'est la vérité. Acceptez-vous cela? Mes chers amis, les hommes de Dieu. Le ciel ne nous appartient pas. Le ciel appartient aux enfants de Dieu nés de nouveau. Moi, je ne dis pas que nous n'allons pas au ciel. Nous allons entrer au ciel. Mais il y avait un homme qui avait un grand nom. Il était missionnaire. Un envoyé de Dieu. C'était Judas Iscariote. Être serviteur, ce n'est pas un problème. Être disciple, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est de naître de nouveau. Judas, il avait prêché aussi. Il avait même l'onction. Parfois, il était même vanté. Le problème, ce n'est pas que les gens puissent vanter. Il est question de ta vie. Est-ce que c'est la prédiction? C'est que tu prêches là. Est-ce que c'est ça ta vie? Amen. Amen. Et je vous dis la vérité. Nous dans les messages. Ujumbe, Apocalypse chapitre 4. Ufunuo sura kaimi. Troisième partie. Qui pende à tête. Mon paragraphe 118, 119. Dans son paragraphe 118, 119. Là où il dit. Si le prédicateur. Kama mubiri. Ne vivait pas sa prédication. Mubiri yake. Même était prêché. Ache kubiri. Nous devons prêcher. Pasha kubiri. Et vivre la parole. Neno, et vivre notre prédication. Mubiri le tourna ubiri. Et tu te pas moi. Sommes-nous ensemble? Mangia yetu. Nos voix. Je m'ouko na landa. C'est là où nous mentons. C'est vrai. Oui. Dieu nous a fait grâce. Ah, le soir, tu es dans la poitrine d'une prostituée. C'est ça la grâce. Ça, ce n'est pas la grâce. Il a une anéma. Ni disgrâce, il est. Il est ni la grâce de Dieu nous nema enseigne. Dans ce titre, chapitre 11. Tito. Verset 14. Et chapitre. Chapitre 3. Tito Tatu. Chapitre 2. Chapitre 2. Tuendemu chapitre 2. Tito Surakapiri. Verset 11. Nous sommes en belle pale. Kumina moja. Jo tuendelesh. Et nous allons avancer. Bon. Tite chapitre 2. Verset 11. Verset 11. Ok. Tunapata. Tite c'est avant Philemon. Nibela Filemon, je peux en faire un à Tito. dit ceci. Écoutez, car la grâce de Dieu c'est de salut pour tous les hommes. A été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et au convoitise mondaine. Et à vivre dans, la, dans les siècles présents. Selon la sagesse. La justice. Et la piété. Et en attendant le bienheureux. La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du Dieu grand est notre sauveur Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, aisé pour les bonnes œuvres. Les gens qui ont fait grâce, ce sont des gens qui se sanctifient. En attendant sa bienheureuse retour, frère, marchons. Tout est meilleur. Mais à la fin de la route, la vérité se fera connaître. Les gens diront, ils seront d'accord. Faut pas te cacher au tabernacle. Tu vas rater beaucoup de choses. Va faire tes affaires. Ici, c'est uniquement pour les saints. Si tu viens à un affiche, un jour, Dieu te mettra à nu. Vouloir ou pas. C'est déjà dit, c'est la parole. Amen. Amen. Réfléchissons à nouveau. Ce qui nous mange à être. Dans Ésaïe chapitre 55. Isaïe, ma comité à Nonatan, la Bible dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'est. Tout mouta fouté, nous amilé le wakati qu'on a onekana. Recherchons l'Éternel. Si nous descendons encore, il dit. Mawazo yetu. Nos pensées. Et ce pensée, c'est tellement différent. Tel que le ciel est tout le monde. C'est comme ça que le pensée de Dieu et le nôtre sont différents. Il dit nos voix, ce ne sont pas les voix de Dieu. Les voix de Dieu, elles sont différentes. Ce sont des voix qui sont vraiment correctes. À chaque fois que nous prions, nous devons demander à Dieu de nous aider. Tel que Moïse l'a dit, Seigneur, enseigne-moi tes voix. Même David, il a dit, enseigne-moi tes voix. Les voix de Dieu, il faut que Dieu puisse vous aider. C'est alors que vous allez marcher correctement dans les voies de Dieu. Sinon, tu seras toujours dans l'église. Continuez la lecture dans Jérémie 7. C'est comme les serviteurs de Dieu. David. Ce que nous voulons, mon frère, ma soeur, ce n'est pas question de rester seulement ici. Ici, il est question de réfléchir à nos voix. Faut banam dit, vous soyez certain. Mouna wakika, yamou. Chaque fois, j'étais en train d'arranger des pierres et j'ai posé hier. Comment est-ce que je vivais? Aujourd'hui, et tel jour encore, tu es en train de classer ta vie pour retourner dans les voies de Dieu. Beaucoup de gens ont oublié. Oh frère, Onduku, même si nous faisons n'importe quoi, akuna mama, c'est les gens qui ne connaissent pas les frères Joseph, ne connaissent pas, tels que nous sommes. Il y a d'autres ici qui ont des mauvaises voix. Hey, laissez-moi vous dire. Le frère Franck et Onasema. Apocalypse, un livre scellé de sept sceaux. Kitabu, kenyotu amuri, mami urisaba, il dit ceci. C'est juste vous rappeler aujourd'hui. Ce jugement est quoi, quoi? Les jugements existent. Ne pensez pas qu'il n'y aura pas de jugement. Bon, nous allons lire en sautant parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Page 62. Les jugements ayant lieu avant et après l'établissement du règne de Dieu nous sont décrits dans tous les détails. manutayoti. Premièrement, tous ceux qui feront partie de l'enlèvement comparaîtront devant les tribunaux de Christ. Ils doivent être jugés. Même s'ils ils sont destinés à célébrer les noces de l'agneau et ensuite Nakisha, à juger le monde na dunia, et à régner avec le Seigneur. Paul écrit, puisque nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Christ, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Je vous dis que c'est un peu de temps. Avant d'entrer au noce de l'agneau, avant d'entrer dans le tribunal, nous passerons d'abord au tribunal. Amen. Amen. C'est là où il y aura maintenant des problèmes. Je ne sais pas si nous serons vainqueurs. Mais que le Seigneur nous fasse seulement grâce. Qu'il nous fasse grâce. Paul continue dans 2 Corinthiens 5. Car il nous faut tous comparaîtront. Et comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Dans Hébreux chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est ni et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Si les gens du message savaient que nous paraîtrons, ils devaient laisser leur voix. Mais ils disent, nous irons. Moi, quand il est encore dans une mauvaise vie, les chrétiens qui aident nous. Bah, Christ, tout bah, Angina. Soyons sincères dans les jours de Dieu. Tukwe bahati, soyons sérieux. Tukwe waazi, mubitu wa Mungu. La vie de Dieu. Bujima wa Mungu. Il faut croire. Toute la parole. Neno lote la Mungu. C'est la vie ou la mort. Ni kufa wala kama inalomba ta kufa. Si cela nous demande de mourir. Accepter de mourir mais en Christ. Utakuwa mtu wa heri. Tu seras un homme heureux, une femme heureuse. Olé de mourir dans l'église. On va payer le cercueil. Même si l'église vous paye le cercueil, aïta kusaidia. Ce qui est meilleur, heureux ceux qui meurent en Christ. Et ils vont aller au repos parce que leurs actes, leurs œuvres les accompagnent. Nous connaissons bien. Et nous avons lu au sujet de David. Quand il demandait pardon, et il dit, ma part, oh Seigneur, après avoir fait des dégâts, un jour, David était dans son lit, il dormait. Il s'est levé en train de marcher au balcon. Et quand il s'est levé en train de marcher sur le balcon, et de loin il a vu une femme du nom Bathsheba, et David l'a convoité, il a appelé son serviteur, viens, cette dame là un chef ne marche pas seul, il a aussi ses gardes du corps, même notre président Félix Tshisekedi ne peut pas marcher seul, il a toujours les gens qui l'accompagnent, il a toujours les accompagnateurs. David aussi il avait ses gardes du corps. Je vous dis, il avait des il était autorité comme un roi à Jérusalem. Ce n'est pas un président, un roi. Et de loin, il a remarqué la femme. Il a appelé son serviteur, la femme qui est là, là qui est belle. Elle appartient à qui? On a dit, vous voyez la femme là? C'est la femme du général Uri. Et David a combattu la femme. Et quand David a vu, Ce que nous voulons, c'est la vérité. Nous croyons tout en pardonner à tout qu'on a tombé. Sur la terre. Les problèmes, ce n'est pas seulement David. Nous sommes dans les combats. Tout comme beaucoup. Dans ce monde où nous sommes. Ce que nous voyons, c'est tellement beaucoup. Mais nous devons demander le secours de Dieu qui vient notre soutien. Qui puisse ôter la convoitise en nous. Amen. Amen. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 2, chapitre 15, car l'amour passe, et l'amour du monde passe. Oui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu est l'éternel. Là, quand on descend, il dit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont des démons aussi. La convoitise. Vous voyez, le péché entre. S'il y a un instrument ou un organe qui fait entrer le péché dans le corps de l'homme, c'est les yeux d'abord. Amen. Les yeux voient beaucoup de choses. Il faut que Dieu nous aide à tout transformer. Puisse nous transformer. Que nous soyons de nouvelles créatures. Le problème, ce n'est pas de rester seulement à l'église. Mais ce qui est nécessaire, important, c'est de naître de nouveau. Que Dieu nous aide. Lorsque David a vu, même toi, quand tu vois, si ta conscience n'est pas pire, ta conscience n'est pas pire, c'est un combat dans les cœurs. Tu convives dans les amours. Est-ce que tu vois pas moi? Sommes-nous ensemble? C'est un combat dans le corps. C'est comme pas vrai, Amno. Par sa convoitise. C'est Atamayak. Absalom a rimouwaka. Absalom l'avait tué. Manatamani dada yake. Avait convoité sa sœur. Tamar. Tamar. Onatamani na badada mukanis. Toi, tu arrives même à convoiter les sœurs dans l'église, n'est-ce pas des démons? Ma frère Benjine, est-ce qu'on a négligé Bibliac? Il y a d'autres frères qui négligent sa femme. Olé ya kumutengeneza. Olé d'arranger ta femme. Les femmes que vous voyez, ce sont des fleurs. Kamona lorsque vous l'arrosez correctement, elle va briller. Lorsque tu l'arroses pas, tu vas la dédaigner. Et tu risques de convoiter les femmes d'autrui. Ce sont des démons. Il est haut, ni machetani. Acceptez ou pas, ni chétani. Ôtez les démons dans ton corps, dans ton cœur. Tosha ma démona, moya. Moyo wako. Nous vous disons, c'est la vérité. Nous croyons. On est ce qu'on a, c'est ma frère, vraiment. Mungu arisha kumusaidia. Vous pensez que Dieu a déjà aidé le frère? Moyo. Le cœur. Wa muntu. Le cœur de l'homme. Ni inchi ya kigeni. C'est vraiment un pays étranger. C'est comme vous dites, c'est la vérité. Nous quoi? Moi, pas les mots. Là, je ne sais pas ce que vous pensez. Et vous ne connaissez pas mes pensées. Mais nous tous, nous sommes devant celui qui connaît toutes les choses. Oui, tchèque ou katal. Arisha yu wa mawazo yako. Il connaît tes pensées. Arisha yu wa bitenda yako. Il connaît tes actes. Arisha yu wa mambo rifuana. Il connaît ce que tu as fait. Uko wa kan, oui. Tu as kan. Tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Que Dieu te pardonne. Mungu akurumie. Un chrétien n'est pas stupide, ni muntu mwenye kalamuka. Un homme qui vit dans le péché, c'est un stupide à outrance. Tu es stupide si tu n'es pas Dieu. Même si tu es allé aux États-Unis, tu es insensé. Comme on a beaucoup amour, tu es toujours insensé. Donc, c'est la vérité. Nous quoi? Oh, il avait voyagé aux États-Unis. Regardez celui qui est parti aux États-Unis. Il s'habille comme un démon. Un homme de Cambo qui n'a jamais été aux États-Unis à cause de ses messages. Les messages. Ujumbe. L'université de la parole. Université, mais c'est moi à Djoukabissa. C'est vous ce que je vous dis, c'est la vérité. Bon. Nous ne sommes pas des insensés. Nous avons déjà quitté. Nous, on ne se déshabille pas n'importe où. Tu n'as pas secouru Chimia. La sœur, les dents toujours à nu. Quand tu vois quelqu'un toujours rigoler. Donc, toi, tu veux seulement rigoler avec les sœurs, n'est-ce soyons pas les démons? Surtout quoi, tout l'amour. Soyons sincères. Tout quoi, tout oasis. Safari ni karibu wapa. Nous sommes bientôt là, nous allons acheter la marche. Touchez les gammes. Nous voyons des signes qui clignotent encore. Et on oublie qui nous dit Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Ouakati, lorsque nous nous rencontrons entre frères, nous lisons Wakori, Wakori, tu as mon frère Maranatha. Andukuyangu. Maranatha. Hein? Maranatha, est-ce que le soir tu iras voir les prostituées? Tu te caches devant les frères. Regardez-moi. Si un homme fait ça, c'est un insensé. Daoudi, par la convoitise. Les gens l'habitaient, dis-moi. Comme j'ai commencé à prêcher, je sais que je lis la parole de Dieu. La Bible dit, si le voit, les yeux voient, et cela fait entrer dans le cœur. Dans le cœur. C'est là où vient. Je me demande à toquer à ça, ça. Mauvaise pensée. Dans le cœur. Vous voyez, le cœur travaille avec les cerveaux. C'est dans le cœur. Cela ne vient pas du cerveau, mais c'est l'amour. C'est là que provient même l'adultère. Avant d'aller commettre l'adultère, tu dois d'abord méditer. On est-ce que tu vois pas moi? On est ensemble. On est ensemble. Ne me dis pas que frère Manela, du coup, je pouvais tomber des faux. L'adultère a un long trajet. Dans l'adultère, il y a la volonté de l'homme, il y a aussi la volonté des femmes. Si la femme n'accepte pas, vous ne pouvez pas coucher ensemble. Toi aussi, si tu n'acceptes pas l'adultère, tu ne vas pas te déshabiller. Lorsque tu te déshabilles, c'est parce qu'on a peine d'en avoir. Il est à ta unabisha. Même si vous niez, il y aura toujours quelque chose qui va s'accrocher à ton cœur. Il y a la volonté de l'homme. Voir ou pas. Tu ne dois pas dire que bah, ni kazisha, même si on m'est forcé. Comme tu même. Enfuisiez-moi, je vais vous dire. Et déjà présent, mais, les morts qui mettent dans le Seigneur. Allez, ben, oui, dit l'Esprit, afin qu'il se repose. Parce que leurs œuvres les accompagnent. Lorsque vous tombez dans la poitrine d'une prostituée, vous allez mourir. Vous mourrez. Ces actes-là, ça vous accompagne. Tu ne vas pas te reposer. David, il a marché, il a couché avec Bathsheba. Johnny, Bathsheba s'est mal conduit. Et là où elle s'est tenue, ce n'était pas un bon endroit. La femme s'est exposée, arrivée qu'à Fachile Batamon. Nous disons aux frères, aux sœurs, habillez-vous d'une manière décente. Elle s'est référée au matière sainte. Vous avez appris que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme a déjà commis adultère avec elle. Alléluia. J'aimerais vous poser la question. La loi de Moïse, c'était chérie à Moussa. Surprendre c'était la loi de Moïse. Maintenant, Jésus est venu pour qu'il ne pêche. Amen. Ah. Que ça puisse être c'est ma ouléote anangaria dans l'Ancien Testament c'est mwagano zakale ni kwa ni unatenda musharati unapatana mumwili mais là Jésus anasema qui regarde une femme ouléote anangaria mwanamke la convoité na kumutamania a déjà commis à dire avec elle a musharatika na ule mwanamke ndani yake. C'est dur hein, digo bien nguvu hein, mais ce que je vous dis c'est la parole. Mais ni kweli. Maintenant, je vais poser la question. Entre la loi de Moïse et Moïse, la plus grande loi, c'est laquelle? Même une seule personne peut répondre. Entre la loi de Jésus et la loi de Jésus, quelle est la plus grande loi? C'est la loi de Dieu. Quiconque regarde pour le haut, t'en engarais mon amour. C'est pourquoi je commande. Si tes yeux ne sont pas sauvés, prie Dieu. Le matin, tu te mets à genoux. C'est un bon Aïsou. C'est le matin. Le sanga dit mambo yonakuya. Lorsque le soleil arrive dans le, pendant la journée, il y a beaucoup de choses qui se passent. Demande à Dieu de te montrer comment tu dois marcher. Même si vous m'haïssez, mais quand tu arriveras en présence de Joseph, le frère Joseph ici, vous allez les aimer. Frère Branham, où les dents quoi, n'a qu'à 80. La femme a 80 ans. À Namoubiri, on l'avait prêché. Au-delà du rideau. Koulengamboa. Banaonana, où les dents. Ils se sont rencontrés. À la mobilité, ma frère Branham, chef Branham. Mupendo, Wangupranam. Comme Léo, tout Koichi. Si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause du message que tu m'avais prêché. C'est à cause de la parole que les hommes de Dieu vous prêchent. Même aujourd'hui, il peut prêcher des choses très dures jusqu'à avoir de la haine envers lui. Mais ces jours-là, tu diras, frère José, Mungu akubariki. Alléluia. Amen. La marche ici, Dieu doit nous aider. Lorsque David a couché, a commis l'adultère avec Bathsheba, c'est très long. Après ça, Bathsheba est tombée même en scène. Uri était en guerre. Un vrai soldat. Il soutient son pays dans la guerre. Il craignait d'agir. Et Joab, le Jemadar. Ce n'est pas le militaire d'aujourd'hui qui n'ont pas du respect envers leur chef. Mais Uri, il était un homme de bien. Ariko Mutu, Askari Muzuri. La femme a dit David. Là, c'est grave. C'est quoi Bathsheba? Elle dit je suis enceinte. Parce que tu as mal, tu Data. Ne marches pas correctement. Ma soeur, frère, Duku, n'osez pas vous plonger dans les mauvaises voies. Gardez-vous la parole de Dieu que vous voyez ici. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas, vous aussi. La parole de Dieu m'a beaucoup aidé. Je faisais des choses qui ne sont même pas dites. La Kininduku. Je ne devais pas être sur la terre. Ah, ça devait être une explosion. Mais ce n'est pas moi seulement. La Kinina même toi. Chacun de nous, il connaît d'où il vient. Nous venons de loin. Mais moi, j'ai toujours dit, la parole de Dieu. Iko ne nichunga. Je devais mourir avec les sida. Moi, j'étais en train d'aller tourmenter même les maisons d'autrui. Même par des sorts. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mais Léo, quoi, j'accepte de dire que Dieu, il est bon. Il n'est pas bon seulement chez moi, dada, mais chez vous aussi, chez vous aussi, ma soeur. Nous avons déjà tiré profit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous aide dans le corps, dans l'esprit, ça protège nos corps. Et la parole de Dieu a sauvé nos âmes. À cause de cela, c'est vrai, même vous aussi. Nous savons. Alors, il dit, Bathsheba, là c'est un problème, mais on va arranger. On va arranger. Je vais faire comme ça. Je vais faire venir ton mari Uri parce que la grossesse ici, comme c'est encore au début, lorsque lui va venir, qu'il entre dans ta maison, vous couchez ensemble, Bathsheba, c'est fini. Ah, merci. Zambi, frère, le péché, on ne le cache pas. Tu ne peux pas couvrir le péché. Il faut se repentir. C'est comme je sais la vérité. Et je vous dis la vérité. Dans ce monde ici, il y a dans des maisons, les hommes sont donnés aux enfants d'autrui les noms. Je ne mens pas. Ça existe. Les femmes, elles savent beaucoup. Ce n'est pas vous les sœurs. Amen. Elle avait couché avec un autre homme, laissant son mari à la maison. La Bible dit, avait dit, dans une seule chambre, vous ne pouvez pas y planter plusieurs semences. Et la femme, c'est le champ. Et c'est la semence d'une seule personne qui sera plantée. Vous voyez maintenant notre malice tribale, la femme qui entre dans le mariage, connaissant déjà plusieurs hommes. N'est-ce pas, tu répondras? C'est la vérité. Nous quoi? C'est la parole. Accepté ou pas, même toi, c'est toi qui séchais des rivières, disant que tu ne peux pas faire tomber la parole de Dieu. Les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Oui, frère. Même si tu es frère Malela, tu ne dois pas venir prêcher encore ici, c'est bien. Mais ceux qui sont des dieux, ils diront que le Seigneur soit loué. Ça, c'est vraiment le médicament. C'est un remède qui va nous aider. Le médecin, ce qu'ils font, soins préventifs, les calaka, matouzo, il y a pas de Tu n'es pas encore tombé dans la maladie. Nous voulons te vacciner, que tu te gardes et tu gardes aussi la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu. Neno l'amour. C'est la nourriture spirituelle. Akula akiro. Et c'est là nous met nous tient stable. Mungu ni kwetu chakula na. Pour nous la parole de Dieu. C'est la nourriture. La nourriture et cela nous aide dans la marche. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Léo, aujourd'hui, si j'ai trouvé grâce, nous sommes ma Kandengi. Si c'était à l'époque de Josué, moi aussi, j'ai levé d'abord faire arrêter le soleil et l'heure que je prêche. Mais nous sommes dans notre dispensation. Alors, écoutez, c'est dans Samuel. Samuel. Samuel chapitre 11. Samuel deuxième Samuel. Samuel Apiri. Mais si tu as somme, il est yote mouta soma kou ma nyumba. Le reste, vous allez lire chez moi. Moi, je vais lire. En tout cas, bon. Asa, mushike vile Bible kuna sema. Verset 4, David envoya des gens pour la chercher et elle vint vers lui. Mangaribi Daudi akatuma watu jua kwenda kumtafuta na akakuya kwake. Il coucha avec elle. Na lala naye après s'être purifié de sa suie. Il retourna dans sa maison. Cette femme est devenue enceinte. Et elle vit dire à David, je suis enceinte. Na alors David expédia cet ordre à Joab. Envoyez-moi Iri le tien. Et Joab l'envoya Iri à David. Akatuma Uri kwa Daudi. Anamuita. Il lui a appelé. Quelqu'un qui était en voyage. La pensée en de David, lui pensait que Paliatakuya, il voudra aller. Parce qu'il avait déjà fait beaucoup de jours en guerre. Au front. Oui. On a envoyé les gens. Joab, envoyez-moi le général Uri. Et les gens sont arrivés. Uri est venu. Ah, soyez le bienvenu. En tout cas, que Dieu te bénisse. Avec l'hypocrisie. Na unafiki. Il y a des gens, quand ils parlent, ils disent même frère, que Dieu te bénisse. Na moyo ya mbili. Dans son cœur. Dani yake. Il y a de la malice. Muko bujanja. Que Dieu te bénisse. Sois les bienvenus. Sois les bienvenus. Uri, ne sachant rien. Tu peux te tromper, caché devant moi. Mais il y a un homme qu'on ne peut jamais tromper. Lui voyait David. Il ne voit pas seulement David, mais vous aussi. Peut-être tu trompes même ta femme. Je vais aller me reposer. Mon repos, je vais passer ça à Lubumbashi. Pourtant, il y a un amant. Frère dans l'église. Nduku katika kanisa. Ce n'est pas un frère, c'est un frère. Nduku nikishimamisha ni stop. Kishimamisho kina complique kanisa ya Mungu. C'est un frère qui complique l'église. Quelqu'un qui trompe son frère. Mutu le kuna landa nduku yake. C'est un démon. Ni shetani. Qui trompe même ton pasteur. Kuna landa na pasteur wako. Frère Mungu akubariki. Ana kuombea na safari. Kumbe ukaenda mumshara. Le pasteur prie pour toi pour que tu aies un voyage et pourtant tu pas commettre l'adultère. Malheur à toi. Ole yako. Même si on t'est vanté que ça c'est un homme, on n'arrive pas qu'à me jouer. Oh, malheur à toi. Tes enfants souffrent de famine chez toi à la maison, mais ailleurs on t'appelle boss, un faux boss, un faux chrétien. Tu es en train de me suivre à travers l'internet. Tu chantes correctement même à la chorale, mais tu as des démons. Que Dieu nous aide. Même si aujourd'hui tu te caches devant nous tous, il y a un jugement. Mais au kumu na kuchunga. C'est comme Dieu, c'est la vérité. Nous quoi, toi, nous descendons, mon frère. Nous avons deux écritures. Tout le monde dit qu'il est tout la semaine après. Uri en a couru. Uri est arrivé. Ça va, il calabre. Ah merci, assis-toi. Oh, ça va. Donnez un peu à boire à Uri. Donnez-lui un peu kibuku. C'est là, donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie. Donnez-lui. Et on lui a donné. Ah, c'est un exemple que je donne. Il est parti chez lui. Il s'est lavé. Il a parlé avec sa femme. Il est rentré au palais royal. Dieu peut mettre des choses en nous pour découvrir le nom. Dieu, même si tu te caches pas pour ce que tu fais, tu ne seras jamais malin ou souple devant Dieu. Le diable, il est rusé, mais pas plus que Dieu. N'est-ce pas Dieu lui avait précipité? Même si toi tu deviens très rusé, même si tu es rusé devant ta femme, un jour tu accepteras. Alors, il est allé dormir tôt le matin. Uri devant la guérite. Il y a des gens qui respectaient Dieu. Aujourd'hui, les gens sont incapables de jeûner, même pour une journée. On dit, nous allons veiller en prière. Toi, tu veux dormir seulement sur le matelas. Un jour, tu diras oui, tu dormiras par terre. C'est alors que tu chercheras Dieu. Parce que lorsque tu es content, tu es dans la joie, tu n'as pas besoin de Dieu. Mais lorsque vous arrivez sur le point, on a son, on a c'est alors que tu chercheras le secours de Dieu. Lorsque, si Dieu m'aide, je vais lui servir. C'est ce que l'homme a toujours dit. Uko mukumba ya réanimation. Tu entres la vie. Même si nous nous vantons, c'est pas manque de sagesse. C'est pas manque de respect. dans la vie de l'homme. La vie de l'homme, ce n'est rien. Aller en salle de réanimation. Tu es là. Les habits, tu ne sais même pas où on a déjà jeté. Où est maintenant ta renommée? Si l'ange de l'éternel n'intercède pas, n'est-ce pas, c'est l'explosion. Ça, c'est Dieu anil léo ongope mungu. Et beaucoup plus le gène d'aujourd'hui. C'est pourquoi quand vous allez dans les cimetières, regardez, il n'y a pas beaucoup de gens des septantaines, soixantaines, c'est 15 jusqu'à 35 souvent. Ce sont les gens qui meurent maintenant parce que le mal s'est accru. Ils se sont plongés. Ah, il faut toucher aux fétiches pour avoir des pieds, aller ravir l'argent d'autrui. Ils sont en train d'aller tabasser. C'est que je vous dis, ce n'est pas en tout cas mensonge et amour, c'est la vérité. On ne s'émoque pas de Dieu. C'est qu'il y a qui le mouton ta panda, Dieu qui l'a ta vuna. Amen. Oui, et comme on a pas nanji, on a vuna ma nani kalanga, ou comme logique mouchinji. Si vous plantez autre chose et vous récoltez autre chose, tu es sorcier plus que Dieu. Dieu vit le frère. Nous quoi? Uri anakata. Uri arifi. Pour la deuxième fois. Malapi, pour la troisième fois, Malata, lisez l'histoire de la Bible. Nous sommes les diables, nous n'avons pas le temps de les lire. Joab a trouvé que non, là, c'est devenu difficile. Samuel, nani, roi David. Le roi David. En tout cas, c'est grave. Il a dit, pas bien à quoi même si tu es malin, Dieu t'amènera jusqu'à la fin. Mungu. Dieu. Je vous dis, c'est la vérité. Craignons Dieu. David, lui pensait qu'il était malin. Il a écrit une lettre. On a donné à Uri. Il a écrit là à l'intérieur, cet homme. Vous lui mettez au front là où la guerre fait rage. Un bon soldat. Askari Muzuri. Un fidèle soldat. Askari Muamini Fou. Un homme correct, frère, beaucoup de gens répondront. Un frère qui te demande de payer pour que je sois à Lubumbashi. Tu arrives à Lubumbashi. J'ai prêté payer son argent. Est-ce que le frère était d'accord que tu prends son argent? N'est-ce pas, tu es malin? Mais Uri, c'était un homme fidèle. On te confie quelque chose. C'est ce que le frère t'a dit. Jo Ujumbe, Jo Amini Fou. Il dit le fidèle de l'assemblée de Kambo. Mais celui qu'on appelle fidèle, c'est un malin. Et ce sont des choses que nous voyons. Voilà ce que j'ai dit. Tu avais déjà fait ça même un jour. Tu as prêté l'argent de frère sans toutefois nous demander. N'est-ce pas mauvais? Même si tu ne dis pas amen, c'est la parole. Il n'est dans l'amour. Mais la Bible dit que Biasema, c'est lui que Dieu a envoyé. Ule Mungu arituma, dit les paroles de Dieu. Anasemaka kwa upande wa Mungu. Et ce qui est de Dieu. Na benye kwa ba Mungu. Écoute les paroles. Banashikia kama neno wa Mungu. Ba Mungu beko na shikia. Ceux qui sont de Dieu, ils sont en train de comprendre. Alléluia. Ah. Un homme fidèle. Mutu mwaminifu. Mu armée, il quoi fidèle. Dans l'armée, c'était un homme correct. Il a pris la lettre. Nos frères des 30e. C'est qui chantent. Allez, Beba Mukanda Alufu. Uri. Il a condamné pris une lettre là où il y avait sa condamnation. Mais comme il craignait Dieu, je ne peux pas en tout cas briser cette lettre pour savoir ce qui se trouve à l'intérieur. David, c'est mon roi. Daoudi, nous sommes en train. Il a pris ça de la loi, une note de sa mort. Il a remis ça à son chef. Uri, un chrétien, il va mourir avec la parole de Dieu. Mais pour des choses compliquées, n'allez pas chez les devins. C'est lui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus. Et je vous dis, ce n'est pas en Europe où il y a la guérison. Même en Europe, il n'y a pas de spécialistes. Le grand spécialiste, c'est le Seigneur Jésus. Le frère personnel soignant, il nous aide. Ce sont les dons qu'ils ont reçus. Mais où est-ce qu'on a pogné? Et ils sont lorsque il y a fracture, ils vont relier seulement, ils vont placer d'une manière correcte que ça puisse se consolider. Mais c'est lui qui va consolider cet os, c'est Dieu. Amen. Alors, il a dit, mettez là où la guerre fait rage, ouri. David dans son cœur croyait que maintenant les problèmes vont terminer. Inaïcha. Zambi. Le péché. Vous ne pouvez pas couvrir le péché. Couvrir le péché. Les péchés, on les couvre jamais. Le péché, on arrange, on se répand. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut jamais parler en fait. Tu avais dévié une fois. Tu n'avais pas marché correctement. Aujourd'hui, Léo, Dieu parle dans ton cœur. Écoute la parole de Dieu. Prépare-toi. Jésus vient bien. Alléluia. Amen. Devant nous, il y a des choses. Il y a l'avenir imminente de Dieu. Si Jésus tarde, kama Yesu anakaa kurudia, lufu, luku na tufata pembeni. Lentement, lentement, là, la mort guette. J'ai lu dans le livre 2 Corinthiens, chapitre 11. En Corinthiens, Apiri, sur la qui est la mort. Il dit là, Ponso penda, moi, na muntu, inu kia kanoti ya lufu, moi, shike. Lufu, luna mfata. Il est versé mimu kiluba, mimi ipenda, ponso penda, moi na muntu, imuti akano ya lufu moi shike. Mutu pale pote konenda, lufu, una panda mu avion, muti akano ya lufu moi shike. Pas monter dans l'avion, la mort est là. Una panda mugare, muti akano ya lufu moi shike. La mort te guette. Una tembia lo mukolo, muti akano ya lufu. La mort te guette toujours. La mort Lufu ne change pas l'homme. La mort Lufu change seulement le lieu des ténèbres. Si vous ne péchez, zambi, tu seras toujours péché. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. On lui a placé où il y avait vraiment la guerre. Et il est décédé, Uri. Amen. Amen. Même si vous avez de l'argent. Ataka mon amakuta fait ça. Dieu t'a donné tes moyens. Ce n'est pas pour que tu puisses te plonger dans des voies tordieuses. Que cet argent t'aide, que cet argent aide ta famille, que cet argent aide à soutenir l'œuvre de Dieu. Donner à l'œuvre qui se passe ici. Dieu ne restera jamais redevable à quelqu'un. C'est nous qui sommes redevables à Dieu, mais Dieu ne sera jamais redevable à nous. Et Dieu ne vous oubliera jamais. Moi, j'avais entendu, quand j'ai prêché à Kasungi, on m'a appelé à Mutabe, un frère qui expliquait. On a compté le nombre de lentons. Ça a demandé 18 lentons. On lui a donné ses devis. Ah, il a dit ok. Un jour, il a dit aux menuisiers, ils sont allés, ils ont amené 18 lentons. Ils ont terminé. Après, on a mité cet homme à Kinshasa. Là où il était parti, il est tombé malade, agonisant. Il a appelé ses enfants à Mutabe. Allez là-bas au tabernacle. J'avais mis quelque chose là-bas. Le Dieu de cette assemblée, c'est un Dieu véritable. Allez prier là-bas, qu'il se souvienne de moi, même dans le peu que j'avais fait là-bas. Mungu ashita kusabwaka mon frère ma sœur. Kama ulifanya vizuri, si tu as fait de bonnes choses, Dieu te payera pour ça. Alors les enfants, ils sont allés au mur, ils ont commencé à prier. Seigneur, cette église, c'est ton église. Tes saints, ils entrent ici, nous savons, accepte, agrée notre prière, pardonne notre papa, guéris notre papa. En quittant là-bas, ils sont rentrés à la maison. Quelques jours après, Masukidoko, leur papa a envoyé l'appel pour dire le Dieu du tabernacle. Il m'a guéri. Notre Dieu, Munguetu, le Dieu de sa parole. Gardons ses paroles. Lorsque il a été tué, il est tombé au front. Tuer l'homme, ce n'est pas ça résoudre le problème. Non, Pan, c'est là que le problème commence encore. Le sang d'un homme parle. Le sang d'Abel avait parlé. Le sang de l'homme parle. La terre a avalé seulement le sang d'un homme et au ciel le voir tel que je l'ai dit, c'est comme ça qu'il l'avait dit. Et c'est lui qui a amené le rapport. Frère, il y a une histoire qui a été dit. Ce n'est pas de l'histoire que nous vous disons. C'est une réalité. Nous m'avons répété. La Bible dit Corinthiens. Il dit la parole ont été écrite, c'est pour nous servir d'exemple. C'est comme ça, c'est la vérité. Nous quoi? Mon frère, ma soeur. Du quoi on d'Adam? Répands-toi. Toubou. Kama, oui, amini, yes. Si tu ne crois pas au Seigneur, tout ce que tu avais fait, il y a des choses. Kobi, tout. Qui feront beaucoup de gens seront exclus dans le royaume de Dieu. Bitafanya batu ba mingi ba shinde kuingia ku mbingu. Franke kona sema. Franke di. Mariage problème ancien. Mundoa mambo ya zamani. C'est quoi mambo ingine? Ba mtu yeye mwenye anajifere exclu. Atajitosha mkwenda ku mbingu. Kwa? Juani. Les adultères. Basharati. Les impudicités. Bazinifu. Les impudiques n'hériteront point les royaumes de Dieu. Washarati, yawatari, les ifrognes, les outragés. Waku, kama tunabla, tunanza kuenimere. Si nous voulons énumérer, kutaya. Il y a beaucoup de choses. Kobitu mingi. Qui t'a fait exclure bantu muroyo. Qui t'a touché bantu muroyo. Mais au tabernacle, ils sont là. Au tabernacle, mais la kin, tu te trouves dans ces problèmes. Nawe, autengia. C'est Galates chapitre 5. Wa Galatia, Suratano, Musome. Corinthiens chapitre 6. Corinto, Suracita. Je ça, je n'ai pas suffisamment de temps pour dire. Paul dit. Je vous avais dit, et encore je le répète, et je le répète encore, moi Galatia, il dit aujourd'hui encore, je vous le redis encore, de tels gens n'entreront pas dans le royaume de Dieu. On a apporté les rapports, Uri est tombé. David a dit là, il s'est frotté les mains. Ça n'est fini pour moi. Belsheba, je t'avais dit, Mambo. On a appris le rapport. Le lumière a commencé à circuler à Kambouf. Becheba a appris que son mari est décédé. Il s'est mis à pleurer. Ah, des larmes de crocodile. Il y a des gens qui pleurent même dans l'église. Et pourtant, ce sont des larmes de crocodile. On n'a pas secouru à la bouchou. Pleurer amèrement. Demander l'assistance de Dieu que tu puisses quitter dans la stupidité où tu te trouves. Et nous, quoi, tout le monde. Vouloir ou pas. Penda wala apana. Aina chie. Ce n'est pas mungu. Nous qui allons conduire Dieu. Ni mungu, Dieu est ongoza. Puisque mungu a tout ongoza. Acceptons que Dieu nous conduit. Alors, ça. David parlait de chier les mambo. Quand David a appris cela, détalé. Becheba. Becheba. Kishakuria bwana. Allez. Vous avez pleuré son mari. Allez. Je te prie, tu seras ma femme. Au ciel, il y avait un homme qui voyait tout. Regarde. Nathan vient. Nathanaël vient. David. Vas-y chez David. Va lui dire. Écoute. Ce que tu as fait. Dans chapitre 12. Oumambiri. L'Éternel, verset 1, envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville des hommes, les riches et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis. Une petite brebis au féminin qu'il avait acheté et qu'il a nourrissé. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain. Vivait dans sa coupe d'or. Et il a regardé comme sa fille. Ma parabole est une frère. Et notre parabole, voyageur arriva chez un homme riche. Ça, ça mugeni anenda kufikia kwa mtajiri. N'a pas voulu toucher à ses brebis. Ashikupende kuamba kwa kondoo yake mingi wala kwa ngombe yake. Ya kutayarisha chakula kwa mgeni. Alikuwa kwake. Melakin anenda kubeba tukankondoka mwa kwa ule maskini. Na kutayarisha mgeni yake. Écoutez, il y avait un homme, il avait beaucoup de brebis, il avait de bœufs, et il y avait aussi dans la même ville un pauvre qui nourrissait sa brebis et qui dormait avec ses brebis dans la maison, et c'était comme sa fille. Mais là, il y avait un visiteur qui est arrivé dans la cité et le riche, au lieu de prendre parmi ses brebis ou ses bœufs, Dieu parle en parabole, mais il faut que Dieu t'aide. Et David, apprenant cela, il a dit non, mauvais. Il mérite la mort. Et il va remettre quatre fois. Et David, il girait même. Vous voyez, quand le problème arrive, frère, ma soeur, Ndukudada, frère, un frère peut pécher ou commettre une erreur. Toi, regarde ce que tu prononces sur le frère qui est déjà tombé. Toi, un chrétien, on a pita na mipaka. Apana kusema kupita na mipaka. Tu as parlé, et tu prends même de l'eau, tu mens, jusqu'à être même déshydraté, on a joué. Tu as une bidie à vie. Rapporteur. Ou capeleka. Rapporteur. Donc, tu rapportes, ouais, frère. Ce sont les gens qui fragilisent l'église. N'est-ce pas toi aussi? Tu as toujours quelque chose que tu as déjà fait. Tu ne fais que parler au sujet des autres. Il a montré et qu'on a que mambo. Même si tu ne veux pas accepter là. C'est la parole. Ici, chacun de nous a un problème. C'est pourquoi je vous avais dit. Si Dieu osait placer l'écran géant et placer au lieu de nous et apitiche tout. La vie de chacun de nous ici. Toi-même, que tu puisses voir ta vie. Nous allons piquer crise ici. Tout en cas, fundu. Il y aura des AVC. Amen. Écoutez ce que dit Frère Branham. Même si je ne termine pas, ce n'est pas un problème. Le Saint-Esprit nous aidera. Mais un autre jour, nous allons parler. Frère Branham dit ceci. Message n'aï toi. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Ouezo ya Mungu, Dieu a coupé dirisha. Est-ce que tu ne peux pas? Sommes-nous ensemble? Excusez-moi, je dois partir, j'arrête à 11h30. Paragraphe 136. Dans son paragraphe 136. Nous tous, Chibot, chacun d'entre nous, allons jusqu'au bout de la route où nous devons rendre compte de chaque mot. À ce moment même, nous savons. Nous savons que nos voix. Nous avons mangé. Ma sauti. Quand nous sommes nés. votre premier cri est enregistré. Il sera à nouveau joué lors du jugement dernier. Mais les habits que vous portez seront présentés à votre face au jour du jugement. Même la science a découvert cela par la télévision. Voyez, la télévision ne fabrique pas une image. Télévision a été chaque Elle transmet uniquement. Chaque mouvement, chaque pensée de votre esprit. Tout est enregistré dans les archives de Dieu. Et cette grande chose vous sera mise devant les yeux. Si aujourd'hui Dieu ose seulement de le faire, frère, toi tu as toujours parlé au sujet des autres, les erreurs des autres. Allons-y maintenant. À la fin de la marche, on mettra l'écran. Moi je répondais devant Dieu. Tu joues toi. Toi, tu peux discuter avec Dieu. Des années et des années, mais toi, tu ne fais que séduire les frères dans l'église. Je sais que le monde me suit. Toi, tes maris, ce sont des serviteurs. Que Dieu t'aide. Je sais que je suis devant le monde entier. Pourquoi je parle comme ça? Je commence à s'émaïve. Lorsque vous allez dans la maïque, il y a des subtilités comme ça, et toi, si tu le fais, on va dire que l'Internet a quitté cette église. On est en train de maudire, aller dans l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus, c'est une église sainte. Moi, je ne dis pas aux cinq qui sont ici. Je sais que je suis devant les mains. À travers l'Internet. Tous ceux qui vont suivre, chacun de nous répondra. David, écoutez. Même la couleur de vêtements qui est portée, et même ce que tu penses, si tu as des mauvais pour penser, chacune des robes dégoûtantes que vous avez portées, chaque fois que vous êtes allé chez les coiffures pour vous faire couper ces cheveux que Dieu vous a donnés, cela sera ainsi. Cela sera ainsi et vous répondrez pour cela. Vous ne pouvez pas même boucher. Même la pensée de votre cœur seront repassées devant vous. Dieu va repasser ses pensées. L'écran géant. Si l'église, on savait que tout ce que nous posons comme acte, Dieu appellera en jugement. Si Dieu avait fait payer à David, et nous aussi, nous répondrons, nous allons payer à Bamuchekelea que Mungu. Et quand il a tranché la prise de position, Dieu a dit à travers Nathanaël, David, que Dieu t'aide, Ndoku Yangu. Sois un chrétien véritable. S'il faut être païen, sois païen. Il y a d'autres personnes aujourd'hui. Il a échoué de la chrétienté. Et même dans le paganisme, il a échoué. Il reste seulement au tabernacle. Tu n'as pas perdu de temps pour rien. Tu es en train de perdre ton temps pour rien. Laissez la mondanité et persévère dans la chose de Dieu. Quand on a dit à David, David, après avoir juré, cet homme, je vais le faire s'il est dans mon royaume. On dit, cet homme, c'est toi. Frère Branham dit, si on te dit tes problèmes à toi, tu ne vas même pas parler. Et Frère Franck dit, Frère Branham, Dans question-réponse, je ne sais pas, 1983. Il dit, si on te montré tes erreurs, tu ne vas même pas parler. Il dit, ah là, c'est grave, mon frère. Dis, yo, c'est grave. Toi, tu as toujours parlé. Même les enfants de ta soeur attendent. Tu y as encore des enfants qui sont encore tout petits. Attends quand tes enfants vont grandir. C'est alors que tu accepteras. Lorsque tu vois tes enfants marcher correctement, il ne faut pas t'évancer que moi, j'essaie d'éduquer mes enfants. Dans cet âge, il faut la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit dans tes enfants. Je vous dis, c'est la vérité. C'est nous quoi. Sans la grâce de Dieu, Ndukuyangu, tous ses enfants seront des rebelles. Il faut que Dieu t'aide. C'est ça. Samuel disait, heureux que tes enfants marchent correctement. C'est dans Samuel chapitre 1. Samuel sur quoi? Prenez Samuel. Ça mène à quoi, ça? Oh, tes enfants ont marché correctement. Oh, les enfants. Et ils étaient encore petits. Quand les enfants ont grandi, c'est là qu'il avait accepté. C'est là qu'on a commencé à chercher le roi. C'est à travers les enfants de Saül. C'est pourquoi, frère, que Dieu nous aide. Que nous sachions comment juger les problèmes des autres. Mais on ne couvre pas les péchés. Lorsqu'on a dit à David, David s'est tu. Il s'est mis à genoux. Il a dit, l'homme de Dieu, Nathan, je suis fautif. Ni comme que c'est fou. J'ai faussé les choses. Miriko ça. Oui. Dio. Je suis un méchant. Et David s'est mis à se repentir. Un grand roi, il s'est mis à genoux. Que Dieu bénisse. Maintenant, Dieu lui dit, Dieu parle aussi. Quand tu n'avais rien, tu demandais à Dieu de te donner le moyen. Si j'ai gagné l'argent, Seigneur, maintenant là, tu as un peu de moyens, tu as même des cornes. Tu es un domptable. Le pasteur, il est toujours derrière moi. Oh, ça, c'est ma vie privée. Dans la parole, il n'y a pas la vie privée. Lorsque tu commences ici, nous allons te poursuivre. On ne te lâchera jamais. Dans l'église. Peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Même au champ. Tu as des histoires que tu fais au champ, nous savons. Nous allons te suivre même au champ pour découvrir ce que tu fais. Ça, c'est casserole si tu regardes pourquoi. Dans ces marches, nous nous aidons, nous nous entraînons. Il m'a fait privé. Il m'a échangé. Kaziako. Si tu as des affaires privées, dis-nous que je quitte, je ne vous appartiens pas, je suis catholique. Là, on va te laisser. Dieu lui a dit, toi David, n'est-ce pas, tu étais un homme, un ayant de rien du tout. N'est-ce pas, nous étions des gens de rien du tout. Aujourd'hui, Dieu t'a donné, tu es maintenant indomptable toi. Les démons t'ont saisi, tu commences même à mépriser Koubeoula, Kouzara, ou les souverains sacrificateurs, qui sont en train de te conduire, que, parce que toi tu as un peu de moyens, l'argent ce n'est rien. Franga ni c'est rien. L'argent, ce n'est rien. Ni ma papier boule. Ce sont de papier. Si tu n'utilises pas correctement, ça va t'amener à la mort cet argent. Disons. Mais il reste 5 minutes. Écoutez ce que le frère Branham dit. Moi, dans sa prédication, c'est une longue prédication. Il dit ceci. Ok, page 6. Page 6. Première partie. Qui pendait à quoi? Si nous pouvions nous asseoir ce soir. Kama iya subuhi tunaweza lako. Et réfléchir. Na kwanza kuwaza. Qu'as-tu de plus grand que la vie éternelle? Ni nini kwako ya kushindia bujima milele? Du moins, quel prix vous pourriez payer pour la vie éternelle? Si c'est soi, vous étiez mourant avec 100 millions de dollars dans votre poche, cela ne pourrait pas avoir la vie éternelle. Ça, ce n'est pas valoir la vie éternelle. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, mumufuko. Même si vous allez en Belgique, si l'ange de Dieu n'intercède pas, tu vas mourir avec tes comptes en banque, ça va rester. Des biens, des immeubles dans la maison. Laissez-moi vous dire. Tu peux avoir un salon que, tu n'as, que les gens n'ont pas ça. Ou que fassent font foulane. Mais au jour de la mort. Mais je suis à l'ouvre. Un malheureux, il va prendre sa météo, il va se mettre même dormir dans ses fauteuils. Ah, il est la fille avec ces choses, maintenant où est-ce qu'il est? Mais tu seras au frigo à la morgue. Il n'y a rien à espérer. Notre espoir repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous vous disons, c'est la vérité. Je n'ai jamais vu un riche qu'on construit pour la tombe. On met même le garage pour mettre le véhicule. Il dit qu'il va venir, on prend même les salons, on met là-bas. Jamais. Tu iras tel que tu es sorti dans le ventre de ta mère, dans les seins de ta mère. Par respect seulement, c'est les chaussettes qu'on va te donner. On ne mettra même pas 1000 francs dans la poche. On va tout piller. Tu entres dans les seins de la terre. Comme tu étais sorti dans les seins de ta mère. C'est là encore une vanité. Il est chini oubadilité na. Quel est Dieu, le Seigneur nous aide. Moi j'ai déjà vu ça. Mi chakona ka. Je me dis en pleurant. Je dis, alors sur la terre il y a quoi? Le vêtement, tu vas te donner le vêtement qu'on va payer par les autres. On te donne le cercueil de 2 mètres comme maison. Et tout ce que tu as gagné sur la terre, ça va rester. Lisez, Moubiri sur la pire, je ne lis pas. Va à l'une chez toi à la maison. Ça va vous apprendre. J'ai des comptes en bas. Nos frères congolais qui disent je vais investir tel part. Là où il y a le blanc. Au même moment tu es en train de décéder, le blanc vont bloquer tes comptes, tu mourras et tes enfants resteront comme ça. Bila Mungu, Bila Tumaini. Mais à Eric, quand il y a pas ça, où la takufia ndani ya Bwana, nous sommes des riches dans la parole. Tajiri ndani ya neno. Toi, mon frère, tu t'agites avec les choses du monde. Donne simplement ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu seras riche, Nduku. Oui, ce que je vous dis, c'est la vie. Moi, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu les gens. Aux deux, quand il n'y a pas à manger, hein. On dit faites 3 jours. Enterrons, vous allez faire souffrir les gens de famille. S'il y a plein de choses au frigo, nous allons attendre un peu quelqu'un de tel. Le corps fera même 10 jours en morgue. Nous allons attendre ce qui vient de l'Amérique. Nous allons attendre. Pendant qu'ils sont en train de piller la nourriture au frigo, et ça va se diminuer. Maintenant, qu'est-ce que tu as gagné? On va te jeter même sans la tombe. Bila Tumaini ndani ya comme un jeune homme riche. Qui a anakufa sans Dieu. Mort, bila en Afrique kule ngambo. Et de l'autre côté. Dieu vile ba mingi batanze kurir. C'est comme ça que les autres vont. Attends comme là on a rejeté les paroles. Aujourd'hui un jour tu accepteras. Et dit envoyez-moi. J'ai 5 frères dans la maison. Je ne veux pas qu'il puisse arriver où je suis. Bende baba ubi. Ou la musheba. Si ba Moïse. Le Moïse. Ou la musheba fula. Si ta colère. Il dit à Kambo, viens Goindai. Il y a Joseph, il y a des serviteurs qui sont en train de prêcher sur place. Ils sont là. Si tu ne les écoutes pas, cela veut dire que même le mort, tu ne vas pas les écouter. Donc, on va la chier. Nous n'acceptons pas que quelqu'un ait été décédé. Il est revenu encore pour prêcher. Un défunt ne peut jamais quitter au séjour des morts pour prêcher. Dieu est un Dieu des vivants. Aïna Mungu Abakufa. Dieu, il dit, c'est moi, ces hommes que vous voyez. Si vous entendez sa voix. Kama mnasikia sauti yake. Mushikazi semeo yenu. Leo kama mnasikia sauti ya Mungu. Tu n'as pas encore cru au Seigneur. Il y a un temps pour tout. Kuku wakati ya kila kintu. Aujourd'hui, tu peux aimer de marcher dans le monde. Mais comment tu as maïcha? Ou t'as élé ou? Mais ça sera trop. Mais t'as quoi ni wakati ya lorsque vous écoutez la parole de Dieu et ça touche votre cœur, vous voulez prendre une décision pour sauver votre vie, donner à Jésus-Christ votre vie, et Dieu t'aidera. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà mon grand mbariki. Inclinons notre tête. Méditons sur la parole de Dieu. Tuanze kufikiri yule sauti ya Mungu. Chorale tatutumia mwimbo ya kufikiri kisha. La chorale nous entend un cantique de méditation, on va nous conduire. Shimama shimote neno ya Mungu moyo ni simukose simukose simukose maneno ya Mungu tutaomba Mungu.